Mon cerveau est devenu biologique, je me contiens, je me construis, je me construis, je veux devenir léthargique, je veux devenir statique, je veux devenir un végétal, animal dans le végétal. Je ne veux plus sentir, je ne veux plus ressentir, je ne veux plus penser, ni raisonner, plus d'émotions, plus de raison. Je ne veux plus penser, plus jamais, je ne veux plus jamais. Je hurle en me tenant la tête, je ne veux plus penser, c'est pour ne plus m'entendre, je veux m'entendre penser. Épuisé, se vider, décider, ne plus penser, ni même rêver. Se taper la bite contre les graviers, se taper la bite contre les graviers, se taper la tête contre les murs, hurler, hurler. Je veux courir, je veux courir jusqu'à m'étouffer, courir jusqu'à m'étouffer, courir jusqu'à m'étouffer. Rejeter, rejeter, rejeter, rejeter l'instinct, rejeter l'instinct de survie, de pas s'économiser. Dérailler, je suis en train de dérailler, je suis en train de courir, je suis en train de me faire crever. Je veux crever, non, je veux pas crever, je veux m'enterrer, je veux devenir un végétal. Je suis, je cours, hurle pour ne plus penser, pour ne plus vider, pour ne plus vider. Je vais être épuisé, je m'effondrer. Je deviens vacant, je deviens titulaire, je deviens organique. C'est ce que je veux, seulement devenir biologique, seulement ne plus penser, ne plus penser, ne plus penser. Douleur physique, elle va bientôt s'arrêter parce que je vais bientôt m'effondrer. Je ne veux plus courir, je veux m'annihiler, je veux m'annihiler, je veux m'annihiler. Mon corps, je n'en veux plus, je ne veux plus penser, je ne veux plus penser. Je l'ai trop fait, j'ai trop souffert, j'ai trop souri, j'ai trop dormi, j'ai trop vomi, j'en veux plus, j'ai plus assez de merde, j'ai plus assez de mort, j'en ai marre. Je ne veux plus penser, seulement courir pour m'effondrer, courir pour m'effondrer. Je ne veux plus penser, je cours et hurle pour ne plus m'entendre penser. Je ne veux plus rêver, je l'ai trop fait. Je l'ai trop fait. Je veux dire végétal. Je ne veux plus planter. Ce que je veux, c'est m'implanter. Je veux m'implanter. Je veux quitter pour après m'implanter. Je dois quitter l'animal. Je dois faire fonctionner l'animal. Je dois faire fonctionner l'animal. Pour ça, je dois m'épuiser. Jusqu'à devenir un végétal. J'ai la pute contre les gravures. J'ai une coïde de son cou entre les cuisses. Je partage le pollen. Courir, se faire. Et après, je vais me renterrer, bouffer de la terre, boire de la pluie, bouffer de la terre, et renterrer. Ha ha ha!